Bonjour, docteur Michael Lévy. Vous êtes maître de conférence des universités à l'hôpital Robert Debré à Paris. Et aujourd'hui, vous allez nous parler du choc septique chez l'enfant et ou le nouveau-né en réanimation. Alors, première question, quelles sont les particularités de la définition et du diagnostic du choc septique chez l'enfant et ou le nouveau-né par rapport à l'adulte ? Comme vous le savez, les définitions du sepsis et du choc septique ont grandement évolué chez l'adulte avec une révision des définitions en 2015-2016. Et le sepsis est maintenant défini comme une dysfonction d'organes potentiellement mortelle causée par une dysrégulation de la réponse de l'hôte à une infection. Alors ce concept est largement accepté en pédiatrie, mais une révision des définitions pédiatriques est en cours, et les définitions existantes restent celles publiées en 2005. Ces définitions anciennes posent deux principaux problèmes. Premièrement, le concept de syndrome inflammatoire systémique a de faibles sensibilités et spécificités lorsqu'on est face à un enfant fébrile aux urgences pédiatriques. Ensuite, les critères de défaillance d'organes, qui diffèrent de chez l'adulte, notamment concernant l'hypotension artérielle, doivent être définis, et au mieux à l'aide de scores facilement utilisables au lit du patient. Chez l'adulte, le choc septique est défini par la nécessité d'un traitement vasopresseur pour maintenir une pression artérielle moyenne supérieure à 65 mm de mercure, associée à une lactatémie supérieure à 2 mmol par litre, après correction d'une éventuelle hypovolémie en cas d'infection suspectée. Cette définition n'est pas transposable à l'enfant du fait de sa physiologie particulière, qui fait que l'hypotension artérielle va être un signe tardif d'insuffisance circulatoire chez l'enfant. En effet, le système cardiovasculaire des nouveau-nés et des enfants est un système dynamique qui évolue et qui mature avec l'âge, avec des caractéristiques très différentes de chez l'adulte. Le myocarde du nouveau-né et du petit nourrisson se caractérise globalement par une faible masse myocardique, une compliance diminuée et une contractilité myocardique quasi maximale, avec des compensations et des capacités d'augmentation du volume d'éjection systolique très limitées. Le débit cardiaque chez l'enfant jeune dépend donc essentiellement de sa fréquence cardiaque. Or, chez ce dernier, qui a déjà une fréquence cardiaque élevée au repos, la réserve cardiaque sera limitée, puisqu'il ne pourra pas doubler sa fréquence cardiaque comme peut le faire un adulte. Ainsi, la réponse prédominante à une diminution du débit cardiaque chez les enfants reposera principalement sur une vasoconstriction sympathique réflexe, qui est beaucoup plus efficace que chez l'adulte. Ceci explique le maintien prolongé d'une pression artérielle normale chez l'enfant en cas de choc, et ce jusqu'à 40% de spoliation sanguine dans les modèles de choc hémorragique. Ainsi, chez l'enfant, on parlera de choc septique encore en présence d'un sepsis associé à une défaillance cardiovasculaire persistante malgré l'administration d'un remplissage vasculaire de 40 mg/kg sur une heure. Le diagnostic de choc septique chez l'enfant est clinique et se fera en suivant une évaluation systématique selon l'algorithme ABCDE de reconnaissance de l'enfant gravement malade, qui est encore mis en avant dans toutes les recommandations récentes. La tachycardie est un signe constant chez l'enfant et il faut rechercher l'association à des signes d'hypoperfusion périphérique. La perfusion périphérique est appréciée par la couleur et la chaleur des extrémités, la présence de marbrures, ainsi que par le temps de recoloration cutanée. Les pouls périphériques peuvent être normaux, filants ou non perçus. L'abolition des pouls centraux, qui sera palpé plutôt en numéral qu'en carotidien chez un jeune nourrisson, est un signe d'extrême gravité. Une évaluation de la durée doit également être systématique et une évaluation de la précharge, avec notamment la recherche d'une hépatomégalie, d'un galop et de râles crépitants, doit toujours être réalisée concomitamment pour guider la prise en charge. Comme expliqué précédemment, la pression artérielle est longtemps préservée et sa normalité n'exclut pas le diagnostic de choc septique. L'état de choc s'accompagne fréquemment d'une polypnée du fait de la compensation respiratoire de l'acidose métabolique. Et enfin, le retentissement neurologique est un très bon signe d'altération hémodynamique et d'hypoperfusion chez l'enfant qui doit être évalué de façon systématique. Classiquement, on classe les chocs septiques en choc chaud et en choc froid. Cette classification est intéressante, bien que très peu spécifique. Et de par les particularités physiologiques énoncées précédemment, le choc froid est majoritaire chez l'enfant. Mais il est donc important de garder en tête que le choc chaud est possible, mais tout aussi grave. Cette catégorisation clinique a néanmoins des limites, et pour guider la prise en charge, le mieux est de recourir au plus vite à un monitoring avancé, incluant une échographie cardiaque. Enfin, le nouveau-né, qui représente une catégorie très particulière de sa grande vulnérabilité et de l'évolution foudroyante possible, le traitement dans cette population doit être déclenché à la moindre suspicion du fait du pronostic qui est extrêmement sévère en quelques heures. Enfin, la lactatémie doit être mesurée au plus tôt, puisqu'elle constitue un bon reflet du degré d'hypoxie tissulaire comme chez l'adulte et qu'elle permettra de guider la prise en charge, bien qu'elle ne participe pas à la définition. Deuxième question, quels sont les éléments principaux de la stratégie thérapeutique et les thérapies adjuvantes du choc septique chez l'enfant et ou le nouveau-né ? La prise en charge du choc septique de l'enfant a fait l'objet d'une mise à jour en 2020 avec publication des nouvelles recommandations de la Surviving Sepsis Campaign. Ces recommandations mettent en avant 6 piliers principaux de la prise en charge qui seront à accomplir dans l'heure suivant la reconnaissance de l'état de choc. Premièrement, l'obtention rapide d'un accès vasculaire. Deuxièmement, la réalisation d'hémoculture. Troisièmement, le début d'une antibiothérapie à large spectre. Quatrièmement, le dosage de la lactatémie. Cinquièmement, le remplissage vasculaire. Et enfin, sixièmement, le début précoce de vasopresseurs. Alors, comme chez l'adulte, il est recommandé de systématiquement mettre en place une oxygénothérapie dès la suspicion clinique de choc septique afin d'optimiser le transport en oxygène. Un abord vasculaire doit être posé de façon urgente pour injecter rapidement l'antibiothérapie et les remplissages vasculaires, qui sont les éléments essentiels de la prise en charge. Alors, la voie veineuse périphérique peut être utilisée en première intention, mais il est recommandé de se limiter à 5 minutes d'essai ou 2 tentatives avant de mettre en place un cathéter intra-osseux, qui est une voie facile à réaliser chez l'enfant et le petit nourrisson, chez qui l'abord vasculaire peut être compliqué, surtout en cas d'état de choc. Chez l'enfant, on privilégiera la voie tibiale proximale, soit 1 cm en dessous et en dedans de la tubérosité tibiale antérieure, sur la face et la surface plane du tibia. Et puis, une fois l'accès vasculaire mis en place, les hémocultures doivent être obtenues avant de commencer l'antibiothérapie idéalement, mais sans retarder son administration. L'antibiothérapie devra être à large spectre, à savoir une céphalosporine de troisième génération pour un enfant sans comorbidité à laquelle on pourra associer éventuellement un aminoside. Et l'antibiothérapie devra bien sûr tenir compte de l'épidémiologie microbienne locale, régionale ou nationale, selon la porte d'entrée suspectée évidemment, ainsi que des facteurs de risque inhérents au patient, donc son âge, des comorbidités, la présence de prothèses éventuelles, d'immunodépression ou de conditions particulières de vulnérabilité au sepsis et du risque de colonisation à germes multirésistants, avec d'éventuelles colonisations bactériennes connues. Ceci est important puisque on sait que maintenant à peu près la moitié des patients admis dans les services de réanimation pédiatrique pour des chocs septiques sont des patients qui sont porteurs de comorbidité. Concernant la pratique du remplissage, les dernières recommandations internationales distinguent deux stratégies selon la possibilité de chaque pays d'avoir recours à une réanimation pédiatrique. Dans les systèmes de santé comme le nôtre disposant d'unités de réanimation pédiatrique, il est recommandé d'administrer jusqu'à 40 à 60 kg de remplissage vasculaire avec volumes de 10 à 20 ml par kilo de bolus au cours de la première heure, quel que soit le niveau de pression artérielle en présence de signes d'altération hémodynamique comme énoncé en première partie. Concernant le type de soluté à utiliser, les cristalloïdes sont indiqué en première intention et les dernières recommandations suggèrent, malgré un niveau de preuve faible, de privilégier en première intention les solutés balancées de type ringer-lactate ou plasmalite, plutôt que le sérum physiologique. En cas de persistance de signes de mauvaise perfusion, après 40 à 60 ml par kilo d'expansion volémique ou en cas d'apparition de signes de surcharge, il est indiqué de débuter l'administration de drogues vasoactives comme la noradrénaline ou l'adrénaline. Bien que les nouvelles recommandations ne précisent pas l'agent vasoactif à utiliser en première intention, on préférera la noradrénaline pour augmenter les résistances vasculaires en l'absence de dysfonction myocardique et l'adrénaline en cas de dysfonction myocardique associée. Il faut néanmoins garder à l'esprit que la distinction clinique peut être difficile et qu'il vaut mieux débuter un de ces deux traitements vasopresseurs précocement plutôt que ne rien débuter et que la noradrénaline reste un très bon vasopresseur de première intention en l'absence d'hépatomégalie clinique. En termes d'objectifs hémodynamiques, l'évaluation répétée est essentielle et le but sera de restaurer une circulation périphérique adéquate, ce qui inclut notamment une amélioration de l'état neurologique et de maintenir une pression artérielle moyenne supérieure au 5e percentile avec une formule qui peut être utilisée où la pression artérielle moyenne devra être supérieure à 1,5 fois l'âge en année plus 40 mm de mercure et on voudra un minimum de 65 mm de mercure à partir de l'âge de 12 ans. La thérapeutique sera ensuite adaptée grâce à une évaluation multimodale, incluant le recours à l'échographie cardiaque en milieu spécialisé. En cas de vasoplégie persistante, il est recommandé de continuer de titrer les catécholamines ou d'ajouter de la vasopressine. Et en cas de défaillance cardiaque persistante, aucune recommandation n'a été émise devant l'absence d'études d'un niveau de preuve suffisant. Néanmoins, les inotropes à activité vasodilatatrice comme la dobutamine ou la milrinone sont largement utilisées dans cette indication. Enfin, le recours à l'assistance circulatoire extracorporelle artério-veineuse demeure rare chez l'enfant dans ce contexte et les résultats sont toujours mitigés. En ce qui concerne la ventilation mécanique, la procédure d'intubation dans ce contexte n'est pas dénuée de risques. En effet, la suppression du baroreflexe sympathique induit une diminution de la stimulation chronotope, inotrope et vasotrope et ce, quelle que soit la substance anesthésique utilisée. Cette procédure est donc à risque de bradycardie et de baisse du débit cardiaque chez le petit nourrisson du fait de l'hypertonie vagale. Et les particularités anatomiques du petit nourrisson font que la gestion des voies aériennes peut être difficile chez des équipes non habituées et encore augmenter ce risque. Enfin, en l'absence de réanimation volémique adéquate précédant le geste, une chute brutale de précharge cardiaque peut se produire et précipiter la survenue d'un arrêt cardio-respiratoire. Ainsi, dans les nouvelles recommandations de la Cerebral Meningitis Campaign, il est préconisé de ne pas avoir recours systématiquement à l'intubation et à la ventilation mécanique en première intention en cas de choc septique. En effet, il est capital vraiment d'effectuer une réanimation volémique appropriée et de démarrer le cas échéant la perfusion de vasopresseurs avant la réalisation de la procédure. Dans l'attente et en l'absence de contre-indication, un support ventilatoire non invasif pourra être proposé par oxygénothérapie nasale à haut débit ou par VNI. En cas de recours à l'intubation, l'utilisation d'atropine comme prémédication en prévention des bradycardies réflexes devra être utilisée systématiquement chez les enfants de moins de 8 ans, et la kétamine est l'agent sédatif de choix pour l'induction en séquence rapide du fait de ses propriétés hémodynamiques, et l'étomidate devra être évitée du fait de ses conséquences surrénaliennes, notamment chez l'enfant de moins de 2 ans. En termes de thérapeutique adjuvante, il est actuellement recommandé d'initier un traitement par hydrocortisone d'emblée chez les enfants à risque d'insuffisance surrénalienne, et uniquement en cas de choc réfractaire à l'expansion volémique et à une thérapie vasopressive nécessitant une augmentation importante des doses dans les autres cas. Les hyperglycémies supérieures à 10 mmol par litre, quant à elles, devront être traitées si elles persistent plusieurs heures puisqu'elles sont associées à une plus grande morbidité, et il sera essentiel de maintenir une calcémie normale, d'autant plus chez le jeune enfant où le tonus artériel et les compétences myocardiques sont hautement dépendantes du calcium. Les supplémentations vitaminiques systématiques en sélénium, glutamine, arginine, vitamine C, zinc sont, bien qu'elles soient intéressantes sur le plan physiopathologique, n'ont pas démontré leur intérêt dans la prise en charge du choc septique de l'enfant. Enfin, en termes de politique transfusionnelle, il est recommandé de ne pas transfuser les patients si l'hémoglobine est supérieure à 7 g par décilitre en cas de choc contrôlé, mais il n'y a pas de recommandation en cas de choc septique incontrôlé, sachant que la transfusion dans ces situations est un facteur pouvant aider à augmenter le transport artériel en oxygène. Par ailleurs, en l'absence de signes hémorragiques objectivés, il n'est pas recommandé de réaliser de transfusion plaquettaire ou de plasma en se basant uniquement sur les anomalies biologiques. Troisième question, quel est le pronostic du choc septique chez les enfants et ou le nouveau-né ? Le sepsis pédiatrique reste la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans et l'OMS continue à le désigner comme une menace sanitaire mondiale importante en le plaçant comme axe prioritaire d'amélioration de la santé des populations. Une attention accrue a été portée ces dernières années à la reconnaissance rapide du sepsis grave, à l'admission précoce d'antibiotiques et à l'administration précoce de remplissage vasculaire associé au recours rapide aux médicaments vasoactifs. Et ceci a permis une diminution significative de la mortalité du sepsis et du choc septique pédiatrique. Néanmoins, en cas de choc septique, la mortalité reste importante puisqu'un taux de mortalité globale allant de 8 à 25% est toujours observé avec des disparités importantes selon les régions du monde. Aussi, une grande méta-analyse récente, incluant 7560 patients dans 94 études, rapportait un taux de mortalité globale de 25% avec des taux qui pouvaient aller de 19% dans les pays développés à 32% dans les pays à faible niveau économique. Une étude récente réalisée au Royaume-Uni retrouvait une mortalité de 19% chez les enfants qui présentaient un choc persistant à l'admission en réanimation pédiatrique, et dans cette cohorte, il était retrouvé que 62% des patients n'avaient pas eu de réanimation volémique ni de perfusion de médicaments vasoactifs adéquates avant l'admission, soulignant encore l'importance de ces thérapeutiques dans la première heure et du temps, ainsi que de la disponibilité de protocoles qui sont rapidement appliqués dans les endroits où les enfants sont pris en charge. De plus, il est reconnu que la mortalité est encore plus élevée chez les nouveau-nés, chez qui le choc septique a un pronostic sombre, notamment du fait de son immaturité immunologique et de la très grande rapidité d'évolution. Plus de la moitié des décès de choc septique surviennent dans les 48 à 72 premières heures de prise en charge et sont dus à l'évolution vers un état de choc réfractaire et ou à un syndrome de défaillance multiviscérale. Chez les patients pédiatriques qui survivent à un état de choc septique, 23 à 50% vont présenter des séquelles à la sortie d'hospitalisation ou à un mois, et ces dernières peuvent persister jusqu'à un an après l'hospitalisation. Ainsi, dans une étude de cohorte prospective américaine, incluant plus de 380 patients avec choc septique communautaire, le taux de patients survivants n'ayant pas retrouvé leur qualité de vie antérieure était respectivement de 50% à un mois, 37% à 3 mois, 30% à 6 mois et 35% à un an de suivi. Et globalement, les facteurs retrouvés comme associés à la survenue de séquelles étaient la prise en charge initiale sous-optimale, on l'a déjà souligné, des scores de dysfonction d'organes et d'inotropes élevés, ainsi que la survenue d'événements neurologiques, l'état d'immunodépression, la nécessité d'une réanimation cardio-pulmonaire et évidemment le recours à l'assistance extracorporelle. Merci, docteur Michael Lévy, de nous avoir parlé du choc septique chez l'enfant et ou le nouveau-né en réanimation, qui est un sujet d'intérêt.